très bon appétit. Cet endroit est superbe et je voulais remercier Marc d'avoir mis sur pied et d'accueillir cette initiative. Alors, moi je ne suis pas un philosophe, je n'ai aucune connaissance de la Chine, sinon vaguement touristique. Je suis sociologue et je crois que si on veut définir la sociologie, c'est en disant que son effort consiste en permanence à s'intéresser à articuler les idées, les théories et les faits, la connaissance empirique, les recherches plus concrètes. Autant dire que ma rencontre avec François Julien, relativement récente, a d'abord été pour moi une surprise ou un choc, et ensuite une grande joie, et c'est ça dont je vais vous parler. Alors j'hésite parce que j'ai des drôles d'images géométriques qui me viennent à l'esprit. Je pensais en termes de convergence et de parallélisme. Enfin, d'un point de vue géométrique, ce sont deux images un peu contradictoires, en tout cas si on est dans la géométrie euclidienne. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit, oui, c'est normal, le problème est celui des écarts ou des tensions que je peux repérer entre ce que fait François Julien, qui est évidemment le cœur de cette rencontre, et ce que je peux essayer de faire moi-même. Autrement dit, je crois que la meilleure façon, François, de témoigner de mon estime et de mon amitié, c'est d'essayer de mesurer des convergences, des parallélismes, mais surtout aussi des écarts et des tensions entre ton travail et un certain nombre. Certains aspects du mien, quand j'arrive à le faire, parce que je suis de plus en plus dans une vie institutionnelle qui ne laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir. Alors, je vais d'abord partir de l'altérité, de ce que François Julien appelle l'altérité, et je n'imagine pas d'autre point de départ que celui qu'il nous propose, quand il nous demande de ne pas confondre extériorité et altérité. Et en mobilisant mes souvenirs de sociologue, je me retrouve ici une inspiration qui est au cœur de ce que la sociologie de l'étranger nous apporte de meilleur. Tous les étudiants en sociologie, très rapidement, connaissent un petit texte de Georges Simmel, très célèbre, sur l'étranger. Et ça m'avait intéressé, il y a quelques années, en regardant la figure de l'étranger chez Simmel, mais pas seulement chez lui, bien sûr, cette idée que l'étranger, c'est celui qui n'est qui est loin et qui est près, qui est ici et qui est ailleurs, qui est un pied dedans et un pied dehors, on peut le dire de mille et une façons. Un point m'avait assez frappé, j'avais fait un texte sur ce sujet, c'est le fait que dans la littérature sociologique de l'époque classique, disons depuis la fin du 19e siècle jusqu'au milieu des années 50 à peu près, la figure paradigmatique de l'étranger, c'est le juif. Le juif, vous le trouvez, alors soit parce que l'auteur qui s'exprime a lui-même quelque chose à voir avec la chose juive, soit parce que il fait du juif la figure de l'étranger. Alors je ne vais pas, vous faire un cours de sociologie, mais enfin, on pourrait trouver de très nombreux grands sociologues, ou sociologues importants, qui traitent de l'étranger, dans des termes qui, me semble-t-il, sont assez en phase avec ce que proposait François, et dont on ne comprend pas le travail, si on n'a pas en tête cette référence, ce que j'appellerais ici la chose juive, y compris chez des gens qui ne s'en réclament pas spécialement dans leur travail proprement sociologique. J'en donnerai juste un exemple parce qu'il est intéressant. Il y a un livre de Norbert Elias qui a été un des derniers de Norbert Elias qui a été traduit en français, Saint-Ville, donc Norbert Elias, historien sociologue, qui analyse les rapports entre ce qu'il appelle des insiders et les outsiders dans les faubourgs ouvriers de Leicester, qu'il appelle la ville autrement. Et donc il étudie ces gens, les outsiders, qui sont justement dehors, mais qui rentrent dedans, mais qu'on ne laisse pas rentrer dedans, etc. Et voilà ce qu'il dit. Par ailleurs, il dit, quand j'ai écrit cette analyse de ces outsiders qui se heurtent, eh bien, dit-il, je l'ai écrit en pensant, il écrit ça dans ses mémoires par ailleurs, à un groupe minoritaire stigmatisé, les juifs. Autrement dit, vous voyez, c'était cette référence. Alors, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, la littérature sociologique, quand elle s'intéresse à la figure de l'étranger, elle s'est complètement déplacée. C'est plus le juif qui est la figure paradigmatique de l'étranger, c'est plutôt l'immigré, c'est plutôt cette catégorie tout à fait choquante d'ailleurs quand elle est utilisée dans le vocabulaire politique d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'immigrés, il y a des Français et des étrangers dans un pays comme la France. Ou alors sinon, il faut dire qui est immigré. Moi, vieux Yorkais, est-ce que je suis un immigré parce que mes parents sont arrivés dans les années 20. C'est une catégorie qui n'est pas juste sociologiquement, en tout cas, ni administrative. Toujours est-il que les choses se sont déplacées. On regarde les immigrés, et ce qui est intéressant, c'est qu'autant le juif semblait venir de nulle part, d'une certaine façon, autant l'immigré, lui, vient de quelque part. Et donc, l'altérité nous projette dans d'autres univers culturels, sociaux, géopolitiques que nous. Ce sera ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que, comme François, et comme je crois beaucoup d'autres ici, je suis moi aussi hanté par cette question de l'universalisme et du relativisme, mais je me la suis coltinée, si je peux dire, sans effectuer ce détour si fantastique qu'opère François par la Chine. C'est parce que j'ai voulu réfléchir à des problèmes intérieurs à ma propre société à l'aide de catégories que je trouvais, je veux dire, dans ma propre société ou dans son univers culturel, que je me suis heurté à ces questions. Et j'ai écrit un livre, et là, ça va être l'occasion de régler un différend, justement, François. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La différence ». Et quand je vois comment François, à juste titre, j'y reviendrai, exécute le mot de « différence », je me suis dit, il faudra que j'en prête un tout petit peu. J'en lirai donc dans un instant quelques mots. Mais d'abord, je vais dire ceci. Donc je me suis intéressé à ce que j'ai appelé « la différence », ou plutôt « les différences », c'est-à-dire le fait que dans des sociétés comme celle-ci, apparaissent toutes sortes de groupes, appelez ça des autres mots que je récuserai sans hésiter, des identités, des minorités, des communautés, bon, peu importe, oui, ce dont je veux parler, eh bien, que ces différences donc culturelles, religieuses, nationales, ethniques, encore un mot qui mériterait d'être discuté, plus ou moins racialisées, toutes ces différences, une fois qu'elles apparaissent, il faut réfléchir à la façon dont elles apparaissent, appellent un traitement politique, parce qu'elles existent dans l'espace public. Et que, depuis les années 80, on a vu se mettre en place un débat dans lequel les gens de ma discipline, les sociologues, nous avons été à la traîne. C'est un débat qui a été animé d'abord par la philosophie politique. Pour savoir, alors dans le monde anglo-saxon, les gens ont dit « Êtes-vous libéral ou êtes-vous communitarien ?» Les Français, à la suite de Régis Debray, ont dit « Êtes-vous républicain ou êtes-vous démocrate ?» Autrement dit, est-ce que vous voulez considérer que la société est faite d'individus qui sont des sortes d'atomes un peu abstraits, tous libres et égaux en droit? Ou est-ce que vous voulez considérer qu'il n'y a pas d'individus comme ça, abstraits, mais des êtres qui ont un ancrage, une famille, une culture, un milieu, une origine, une religion, etc. Et donc, j'ai voulu participer à ce débat, et je suis arrivé à la conclusion que tel qu'il était formulé, il était insupportable. Je ne suis pas le seul à être arrivé d'ailleurs à cette conclusion. Parce que ou bien on est du côté des uns, ou bien on est du côté de l'autre, et que si le choix est mal formulé, il est intenable, il faut trouver autre chose. Autrement dit, je pense que nous avons vécu, que nous vivons encore aujourd'hui en France, dans une mauvaise formulation de ces enjeux, tout simplement parce que si nous sommes tous d'accord pour dire que nous détestons le communautarisme, et donc nous ne pouvons pas être totalement démocrate, pour parler comme Régis Debray, parce que nous voyons bien les risques de communautarisme et tout ce qui s'implique. Il y a un deuxième écueil dont nous ne voulons pas parler, mais qui est pourtant très réel, qui fait partie des impensés de cette société, qui est ce qu'on pourrait appeler l'universalisme abstrait, pour parler comme Marx, c'est-à-dire cette perversion, pour moi, de l'esprit, qui fait qu'on met en avant un idéal, la République, les valeurs les valeurs universelles, tous les hommes libres et égaux en droit, ce genre de choses, on le met en avant sans se préoccuper vraiment de la réalité concrète auquel cet idéal peut être appliqué. Et par conséquent, si je suis plutôt démocrate, on me taxera vite de relativiste, de communautariste, enfin bref, on me poussera dans un sens, comme si l'universel, même abstrait, pouvait se suffire. Et donc c'est à partir de cette tension, de cette difficulté que j'ai réfléchi, je vais peut-être vous le dire très concrètement, se proclamer adepte des valeurs universelles, par exemple en France au moment où il y a eu les émeutes en 2005, vous en souvenez tous, dans les quartiers populaires, octobre-novembre, dire au nom des valeurs universelles, je conteste ces émeutes parce qu'elles... Alors là, on nous a dit en plus, dans les explications, en plus assez hallucinantes, c'était des émeutes religieuses, c'était des émeutes qui s'expliquaient par le fait que les gens étaient noirs, c'était des émeutes qui s'expliquaient comment ça s'appelle, la famille, plusieurs femmes, la polygamie, enfin des choses absolument aberrantes. Bon, tout ça, sans voir que ces émeutes entretenaient avant tout un rapport très simple à l'universel. On promettait aux gens de ces quartiers populaires d'accéder à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, aux valeurs universelles que symbolise en France la République. On leur faisait cette superbe promesse, mais c'était bien abstrait compte tenu des réalités de leur existence et de ce qu'ils pouvaient envisager. Et donc, mon contact avec l'universalisme, il se joue plutôt là, dans ce genre de problème. Et donc, je vais le dire un tout petit peu autrement, parce que depuis une vingtaine ou 25 ans que ce débat a lieu, je l'ai beaucoup vu évoluer. Aujourd'hui, rares sont ceux qui essayent de défendre un multiculturalisme pourtant bien tempéré, comme j'essaie de le faire, d'autres le font. Un multiculturalisme, alors libéral, dit un de ceux qui ont le mieux étudié la question, qui s'appelle Will Kimlicka, mais libéral au sens anglo-saxon du mot, hein, c'est-à-dire pas du tout au sens français. Enfin bref, un multiculturaliste qui considère que les différences concrètes ont toute leur place dans nos sociétés, à condition, en contrepartie, qu'elles acceptent elles-mêmes les valeurs universelles. Ce qui n'est pas si compliqué que ça à formuler, mais bon. Mais sinon, nous sommes confrontés à cette perversion qui, en France, peut être appelée le républicanisme, c'est-à-dire un universalisme abstrait, poussé à l'extrême, et qui devient, en fait, incantatoire et répressif. Pour en donner des exemples, si vous le souhaitez, bien sûr. Et donc, je le dis pourquoi ? C'est parce que je pense que ce que nous propose François, ce gigantesque détour, c'est quelque chose de bien utile, parce que si j'avais eu connaissance de ses travaux plus tôt, ça m'aurait certainement permis de mieux argumenter par rapport au fait que je baignais dans la société et la culture où il me fallait jouer sur cette difficulté à réfléchir à ces problèmes. Alors, je voudrais maintenant introduire un troisième point, c'est que bon, j'appartiens au monde des sciences humaines et sociales, alors il y a quelques relations avec la philosophie, surtout la philosophie politique, mais enfin, ce sont quand même des univers qui sont quand même distincts. Et la France, c'est en tout cas vrai pour ma discipline, je ne sais pas si ça l'est pour la philosophie, mais je considère que la France a manqué le tournant intellectuel, dans l'ensemble, il faudrait nuancer, mais qu'elle a manqué le tournant intellectuel des années 80 et 90. Que la France, je vais le dire un peu brutalement, était le centre du monde intellectuel dans les années 60, encore au début des années 70, qu'à cette époque-là, on ne se préoccupait pas beaucoup de réfléchir aux valeurs universelles, ou à l'incarnation française de ces valeurs universelles, le modèle républicain, c'est venu dans le débat beaucoup plus tard, hein, et que, les intellectuels, on était le centre du monde, c'était très bien, on n'avait pas besoin de se poser certaines questions. Mais aujourd'hui, la décolonisation est terminée, je crois, à peu près. La colonisation est loin derrière nous, et un certain nombre des sociétés anciennement colonisées, non seulement ne sont plus colonisées, mais elles sont au-delà de ce que certains appellent le post-colonial, ou le post-colonialisme. C'est-à-dire que, si vous allez par exemple en Inde, vous verrez que bien des éléments du débat indien n'ont plus rien à voir avec l'époque de la colonisation, les références à l'Empire britannique, etc., qu'on est au-delà. Et par conséquent, il me semble que ceci nous oblige à réfléchir autrement, à accepter, y compris on peut le dire à propos des mouvements qu'il y a eu dans le monde arabo-musulman, en tout cas dans ce qu'ils ont eu de plus prometteur, que le postcolonialisme est derrière nous, les sociétés entrent dans autre chose, le monde qui se construit est tout à fait autre, et du coup, c'est ça que je voudrais dire, ça ouvre un espace au relativisme. Ça ouvre un espace au relativisme, puisque nos vieilles formulations de l'universel ou de l'universalisme sont fatiguées, épuisées, que nous ne sommes plus le centre du monde à partir duquel nous pouvions jeter un regard qui se croyait universel, et que la tentation est de dire, l'universel occidental c'est fini, on n'en veut plus, ça ne marche plus, la décolonisation est passée par là, et la tentation c'est s'engouffrer dans le relativisme. Et donc, évidemment, si j'apprécie ton travail, François, c'est aussi parce que tu tu me permets de reprendre mon souffle d'une certaine manière et de ne pas basculer du côté du relativisme. Donc tu fais partie de ces trop rares auteurs, je peux en citer, qui sont plus proches des sciences sociales, mais qui nous aident justement à repenser ou à essayer de repenser ce qu'on peut appeler les valeurs universelles, l'universalisme, peut-être un autre vocabulaire, mais peu importe. Je citerai, pour te dire où je te situe, je citerai Amartya Sen, dont les réflexions sur la justice, sur la démocratie, me semble-t-il, vont un peu dans ce sens. Et je citerai aussi un sociologue qui est mort récemment, donc c'est une façon de lui rendre hommage, qui s'appelait Eisenstadt, qui lui nous disait qu'il faut parler de multiple modernities. Il n'y a pas une seule modernité, disait-il, il y a des modernités multiples. Et les débats qu'avec d'autres j'ai eu avec lui m'ont beaucoup intéressé, parce que je lui répondais en gros, je pense qu'il y a une seule modernité, donc il y a des chemins différents de modernisation. Vous voyez le genre de discussion que j'aime avoir et qui sont celles que couvre évidemment le travail de François. Et je me suis dit, j'ai eu la chance de connaître un peu la sociologie chinoise, je me suis dit, mais est-ce que mes collègues sociologues chinois peuvent m'aider un peu à réfléchir à ce genre d'enjeu? Alors là, je vais faire une remarque, elle est un peu grossière, elle est un peu trop générale, mais une remarque qui, me semble-t-il, n'est pas inintéressante pour les discussions que des sociologues peuvent avoir avec François Zille. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la sociologie chinoise par rapport à ces problèmes d'universel? Alors, je vais prendre les meilleurs. Il y a évidemment des gens qui sont, comme partout, mais il y en a beaucoup, il y a des gens qui sont d'une très grande médiocrité, comme partout. Donc je m'intéresse à ce que la sociologie chinoise a produit, à mon sens, de meilleur. Et je vois en gros trois catégories de recherche. La première catégorie, c'est celle qui, j'ai envie de dire, bascule dans le vieil universalisme occidental sans trop se poser de questions. C'est-à-dire les chercheurs, mes collègues chinois, qui font des choses parfois intéressantes, bien sûr, mais les chercheurs qui disent, nous, on va publier dans les revues américaines, on va fréquenter les colloques, on ne parle pas en anglais, il n'y en a pas tellement, les collègues chinois en sociologie ne sont pas si nombreux que ça à parler anglais, on va discuter en suivant les catégories dominantes dans cette sociologie, disons anglo-saxonne pour aller vite, et donc on va s'aligner. C'est pas très intéressant, et je trouve que c'est basculé finalement dans les catégories de ce vieil universalisme qui n'est pas forcément abstrait, mais qui n'est pas satisfait. Il y en a d'autres qui disent, écoutez, non, nous sommes en train de construire une sociologie en Chine, nous la construisons, et cette sociologie, ben vous autres occidentaux, sociologues d'ailleurs, vous ne pouvez pas vraiment la comprendre, parce que vous n'avez pas nos catégories. Ce sera la sociologie chinoise nationale, si je peux dire. Il y a même eu, il y a une quinzaine d'années, une petite tendance à faire de l'asiatisme, c'est-à-dire la sociologie était asiatique. Alors, je ne sais pas, moi, si vous n'avez pas lu Confucius, si vous n'utilisez pas massivement Confucius dans votre sociologie, vous êtes fichu. Oui. Mais cette idée qu'il y a deux univers. Alors là, on nous tire du côté du pur relativisme, plus ou moins nettement, ici. Alors ça, c'est le deuxième obstacle. Et donc, moi, je me dis, est-ce qu'il y a des sociologues intéressants qui soient ni dans un universalisme plaqué, en quelque sorte, et purement importé, sans loin d'intérêt, ni dans un relativisme qui est, pour moi, la négation d'une vie intellectuelle globale, planétaire. Et je trouve une catégorie de sociologues qui m'intéresse beaucoup. Ce sont des sociologues qui, en gros, disent la chose suivante, je pourrais même le raconter sur un mode anecdotique, si, comme ça, en un instant, qui disent, voilà, nous voulons participer au débat intellectuel, au meilleur niveau, au niveau de la planète. Il n'y a pas de problème. Nous voulons, et par conséquent, nous lisons ce qui sort, nous nous intéressons à la production scientifique et aux débats qui peuvent avoir lieu. Et en même temps, nous ne sommes pas des électrons libres qui gravitons comme ça autour de la Terre. Nous avons un ancrage dans notre société et nous sommes capables d'étudier notre société, ou d'autres sociétés d'ailleurs, mais avec des catégories qui ont aussi quelque chose de spécifique que nous inventons, que nous produisons, éventuellement en allant chercher chez certains auteurs chinois des éléments, des catégories, des notions, des concepts. Bref, nous articulons, disent quelques-uns, nous articulons notre participation à un débat intellectuel mondial avec un ancrage dans une culture, une vie intellectuelle qui n'a pas été complètement éradiquée par la pire période du Maoïsme. Alors, je vous en donne un exemple pour être concret, parce qu'il m'avait beaucoup, beaucoup amusé. Bon, moi, je suis un élève d'Alain Touraine, sociologue bien connu, et Alain Touraine avait inventé une méthode, il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, qui s'appelle la méthode de l'intervention sociologique. Et crainte, je ne vais pas rentrer dans la tête. Et donc c'est une méthode un peu compliquée. Enfin, c'est une méthode, et donc ça a été assez publiés, connus, discutés. Alors, un collègue chinois, dont quand j'ai préparé ce texte, j'avais pas mon dossier sur moi, donc j'ai pas son nom sur moi, mais François, je le retrouverai. Un collègue chinois, que j'ai d'ailleurs dans un premier temps rencontré à Pékin, me dit « Ah, je suis bien content de vous voir, je sais que vous avez travaillé avec Alain Touraine. Moi aussi, j'utilise l'idée de l'intervention sociologique. » Il ajoute « Mais ma méthode à moi, mon intervention sociologique, elle est forte. Celle de Touraine, elle est faible. » Ça m'a plu. Parce que je me suis dit, voilà quelqu'un qui situe avec une certaine arrogance, d'une certaine façon, mais dans une discussion haute volée. Alors je reviens en France et je raconte ça à Touraine. Touraine est un homme qui a de l'humour, mais pas toujours. Alors je lui raconte ça, mais ça m'amusait. Ça l'amusait pas tant que ça. Et donc, il dit oui, mais c'est parce qu'il n'a pas compris, il y a un malentendu, il n'a pas. Et puis je revois ce sociologue, je ne sais plus comment, et je lui dis que Touraine n'était pas forcément d'accord. Et il me dit non, mais Touraine n'a pas vu une chose. Quand la société est forte, on a besoin d'une intervention, d'une méthode d'intervention sociologique faible. Et quand la société est faible, on a besoin d'une méthode d'intervention sociologique forte. Autrement dit, non seulement il s'installait dans un débat de vraiment meilleur niveau, mais en plus, il était capable d'expliquer ce qui différenciait sa position d'une autre par la nature de la société dans laquelle il vivait. Alors ça m'a plu. Voilà. Donc c'est pour vous dire, c'est ce genre de choses que je crois, c'est pas directement le travail de François, de vous dire, mais c'est ce genre de démarche que je trouve intéressante et que je voulais, évoquer ce soir. Je vous signale en particulier qu'il y a eu un numéro de la revue Les Cahiers internationaux de sociologie qui a présenté les sociologues chinois, auquel j'ai évidemment donné la parole à ce collègue, et puis qu'il y a une collègue sociologue qui s'appelle Laurence Rouleau-Berger, c'est un de vous connaissent peut-être, qui fait beaucoup d'efforts, même si elle n'utilise pas le vocabulaire de François, mais qui fait beaucoup d'efforts pour essayer justement de circuler et de faire circuler les sociologies françaises et chinoises. Alors j'en arrive au point qui est le plus, non pas polémique, mais qui m'a obligé le plus à gamberger, qui est ce mot de différence. Alors, moi j'ai publié un livre sous le titre « La différence ». Alors quand je vois comment François exécute le mot, j'étais d'abord pétrifié. Et j'ai réfléchi, et je crois vraiment que je peux lever ce qui a été pour moi une sorte d'inquiétude. C'est qu'en réalité, je ne m'intéresse pas du tout à la différence, avec l'idée que c'est un concept qui peut permettre de classer, comme tu le critiques tout à fait à juste titre. Moi, en réalité, je me suis intéressé à des phénomènes concrets que, faute de mieux, j'ai appelés comme ça. Phénomènes de différence. Et que, premièrement, pour moi, ce que j'ai étudié, ça n'est jamais des essences, ce ne sont jamais des réalités stables, ce sont au contraire des, alors j'aime pas tellement l'expression, des productions sociales, c'est-à-dire qu'au sein d'une société, souvent d'ailleurs aussi dans des espaces qui peuvent être plus vastes, transnationaux, comme on dit parfois, il existe des groupes qui se présentent sous la forme d'une différence. Et ce que montre la sociologie, c'est assez facile à établir, c'est que ces différences sont produites bien plus qu'elles ne se reproduisent, et même qu'elles entretiennent un rapport singulier, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles qui sont collectives, un rapport singulier avec l'individualisme. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les personnes, les individus, choisissent leurs différences collectives. Moi, j'appartiens à un laboratoire qui a fait beaucoup d'enquêtes dans les banlieues, comme on dit. Quand on demande à un jeune musulman « c'est quoi être musulman ?», souvent, il dit quelque chose comme « c'est mon choix personnel, c'est ma décision ». Alors, il ajoutera peut-être que ses parents, ses grands-parents, etc., il y a de la reproduction. Mais c'est une décision hautement subjective et personnelle à bien des égards. Et donc, on peut réfléchir à ces phénomènes. Et donc, je me suis dit finalement, j'espère que ça satisfera François comme façon de penser ce différent, je me suis dit finalement, j'utilise le mot de différence, pas du tout comme le concept explicatif, comme la catégorie explicative, mais comme ce qu'il faut expliquer, comme l'objet. Et donc c'est peut-être acceptable de ce par François. Autrement dit, ça n'est pas une catégorie d'analyse, c'est le terme par lequel je désigne ces ensembles plus ou moins stables, peu importe, que je vais étudier concrètement pour expliquer comment ils se construisent, comment ils se transforment, quel impact ils peuvent avoir dans la vie collective plus large. Autrement dit, au plus loin de tout essentialisme, je crois, je parle non pas du concept, donc là j'accepte que le rejette complètement, mais j'essaye de, je pars d'une réalité empirique qui se donne à moi, que j'appelle comme ça, peut-être dire les minorités, ou les communautés, ou, bon, que je prends comme des catégories empiriques, le réel tel qu'il se présente à moi, et que j'essaye de penser, autrement dit, je n'explique pas à l'aide d'un concept qui s'appellerait la différence entre les phénomènes, j'essaie d'analyser ces phénomènes qui se présentent sous cette forme, autrement dit, au plus loin de tout essentialisme. Et donc, là, je ne reviendrai pas, par contre, parce que là, c'est évident, dès qu'on parle d'identité, d'identité nationale, d'identité française, alors là, on est encore plus dans des catégories qu'il faut rejeter. Mais je trouve que ça pose un problème intéressant, en tout cas pour les sciences sociales, peut-être moins pour la philosophie, qui est le fait que nous utilisons trop souvent les mêmes mots dans le vocabulaire. Ils sont scientifiques ou intellectuels, nous sommes amenés à utiliser les mêmes mots que le vocabulaire du sens commun, que le vocabulaire spontané. Et que ça peut nous conduire à des vrais problèmes. J'en donne un autre exemple, mais qui n'est pas très éloigné. Mais aux États-Unis, on utilise le mot « race » sans vergogne. Et lorsque je dis à un collègue américain, « Mais comment oses-tu parler de race ?» Il dit « Mais c'est une construction sociale. » La race est une construction sociale. Le problème, c'est que les plus... Autrement dit, je parle de race, me dira tel ou tel collègue américain, parce que la population parle de race. Donc, c'est comme ça. Mais ce n'est pas un concept. Le problème est plus compliqué que ça, pour deux raisons. La première raison, c'est que ceux qui vont le plus loin possible dans cette idée que tout est construction sociale, on arrive à dire que les catégories scientifiques sont elles aussi des constructions sociales. Et donc, comment faire la part des choses? Et puis deuxièmement, la réalité, elle n'est pas là. Je suis tombé il y a quelques mois sur un livre qui m'a fasciné, je n'ai pas le nom de son auteur en tête, je pourrais le retrouver, un livre qui m'a fasciné, une jeune sociologue américaine qui a été voir qu'est-ce que les professeurs dans les manuels de sociologie, d'anthropologie, de biologie, etc., disent à propos des races humaines. Alors oui, les sociologues dans l'ensemble, dans leurs bouquins, qu'elle a fait aussi des interviews, des étudiants, etc. Oui, les sociologues dans l'ensemble disent la race, ça n'existe pas autrement que comme une construction sociale. Mais dès que vous allez lire les traités de biologie mis à la disposition des étudiants américains, et même souvent les traités d'anthropologie, vous rencontrez alors là, l'idée que les races humaines, ça existe. Autrement dit, voilà un mot, c'est pareil un peu que le mot différence, il faut évidemment refuser d'en faire un concept, mais il faut même aller plus loin. Comment le bannir du débat autrement qu'en, comment dirais-je, qu'en analysant la façon dont il est utilisé, produit, etc. Alors, je me rapproche de... Oui, il reste quelques minutes. J'ai combien? Quelques pauvres minutes. Hein, ailleurs. Mais voilà. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je suis, à partir de tout ce que je viens de dire, tout à fait disposé à recourir à ce que François appelle l'écart. C'est vraiment un thème qui me convient tout à fait. Faire apparaître des écarts, des fécondités, peut-être aussi.